Sabina fait l'amour. quand je suis à Kinshasa, Sabina fait l'amour. Quand je suis à Conakry, Sabina fait l'amour. Quand je reviens à la maison, Sabina fait la tête. Quand je touche Sabina, Sabina tout le dos. Je préfère Sabina vivre sans toi. Je préfère Sabina vivre sans toi. Sabina, Sabina, Sabina, mon amour, je t'aimais pourtant beaucoup. Comme avant, je t'aime toujours. Et oui, Sabina, c'est comme ça la vie. Ouais, ouais, ouais, ouais, n'aime mon limon, 5 à la main. Ouais, de demo limon, est en commun, Christina Noumi. Ouais, de demo limon, mais comment boum, ça m'y est. Jean-Pierre, Sylvie, Josiane, tu le nom dans mon. Ouais.